écoutez Futur Simple sur CKRL, toujours au 89.1, et nous allons maintenant aborder un sujet intriguant, la vie après la mort. Nous allons en parler avec Moustapha Laure. Bonjour Moustapha. Bonjour Valérie. Quel drôle de sujet. Oui, vous fiez pas trop au titre. Je vais pas me plonger dans le mysticisme, rassurez-vous. On est quand même dans une émission scientifique. Donc, je vais essayer d'aborder le sujet, malgré le titre, un peu scientifiquement. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la cryogénie. Ah, alors, c'est, voilà. C'est ça. Ça casse un peu le... Donc, c'est quoi la cryogénie? En fait, la cryogénie englobe toutes les manipulations qui sont faites à basse température. On va parler de cryogénie quand on est en dessous de 150 degrés Celsius. Elle a plusieurs applications, particulièrement dans l'alimentation, par exemple, où on va refroidir, par exemple, des aliments très vite en les plongeant dans l'azote liquide pour les préserver. On dit qu'on les cryoconserve. Et puis, cette idée d'avenir, ou plutôt ce business d'avenir, la cryogénie, pourquoi ? Parce que finalement, si, comme j'ai dit, si on peut l'appliquer aux aliments, si on peut congeler une patate, pourquoi pas congeler l'être humain ? Carrément. Bah, je sais pas, j'aurais pas eu cette idée moi, mais apparemment il y en a qui l'ont eu. En effet, il y en a même qui, on peut trouver ça un peu farfelu, mais il y a bien des gens qui ont pensé en effet, et puis ils ont même pensé à gagner de l'argent de cette technique-là. Et peu importe si on ne sait pas comment réanimer tout ce beau monde congelé, le principal c'est de se conserver. Et puis vu que tous ces gens-là vont être engloutis dans un sommeil profond et glacial, on ne soucie pas trop de leur coup de gueule quand ils vont se réveiller. Et au pire, c'est eux qui l'auront décidé. Ouais, puis peut-être même qu'ils auront payé pour ça. En plus, oui. Donc, si on veut être... puisque apparemment, ça a l'air possible, on peut cryogéniser des personnes. Donc, si on veut le faire, on s'adresse à qui? Puis, ça coûte combien? Il y a globalement trois compagnies dans le monde qui font ça, trois grosses compagnies. Pour les nommer, il y a Alcor, Cryonics Institute et Cryorus. La première, c'est aux États-Unis, la deuxième en Angleterre, et le troisième, c'est des Russes. Donc, pour revenir à la question du prix, alors, vaut mieux être riche si on veut voir à quoi ressemble l'an 3000. Il ne suffit plus d'être pauvre pour rêver. Le leader mondial dans les services de cryogénisation, le dénommé Alcor aux États-Unis, il facture 200 000 dollars pour congeler un corps adulte et seulement 80 000 dollars pour congeler la tête. La tête ? Oui, oui, j'ai bien dit la tête. 80 000 seulement pour la tête. On peut se demander légitimement si ça sert à quelque chose de se plonger une tête décapitée dans le froid. Ben oui. Mais il faut bien se dire que si on est capable dans le futur de réanimer le cerveau, on est certainement capable, faut croire, de le greffer à un corps sans vie. Le comble de l'ironie, c'est que les compagnies n'hésitent pas à communiquer à propos de ces tarifs en les qualifiant d'aubaines pas si chères payées pour une chance d'éviter la mort. Toutefois, sachez qu'on est géographiquement chanceux au Canada. Étant collé aux États-Unis, on bénéficie de la même tarification. Un Européen qui aspire à éviter la mort doit débourser 25 000 dollars de plus. Alors, je vous dis, profitez-en. Ben voyons. Il faut savoir aussi qu'on peut même emmener notre petit animal de compagnie favori pour un petit voyage dans le temps, en échange d'un léger supplément, bien évidemment. Sachez aussi que pour les gens qui veulent garder leur enveloppe originelle, vaut mieux éviter, en attendant, de se faire cryogéniser, les morts dans un incendie, les crashs d'avion et les massacres à la tronçonneuse. Sinon, on s'en doute bien, le résultat risque d'être un peu décevant au réveil. Et ouais. Donc, en effet, mais devant une mort trop violente ou destructrice, on peut se poser la question de savoir si la cryogénisation va être vraiment utile quand même. Ouais, si ça va servir à quelque chose. Ouais. En effet, c'est pour ça qu'il y en a même qui poussent un peu le bouchon un peu trop loin et qui veulent être cryogénisés quand ils sont encore en bonne santé. Car on a plus de... Donc ça veut dire qu'ils n'attendent pas d'être morts. Oui, c'est ça. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je veux me faire cryogéniser, je peux le faire. Parce que j'estimerais que congeler un corps sain est le réanimer par la suite. Un corps qui va pas être abîmé ni par les maladies ni par la vieillesse. Donc même si l'idée a le mérite de contenir une certaine logique, faut l'avouer, cela montre bien une petite part d'absurdité qui peut exister chez les adeptes de cryogénisation. Ben oui, mais justement les adeptes de cryogénisation, c'est dur à dire, hein, cryogénisation. Oh, oui. Donc il y en a qui sont prêts à embarquer là-dedans, et ça attire les gens. Oui, on est Oui, ça peut paraître absurde, mais ça marche quand même. Donc, on compte aujourd'hui environ 300 personnes cryogénisées. La plus connue reste une star du baseball américain, Ted Williams. Enfin, je ne connaissais pas avant, mais apparemment, c'est une star du baseball. Et il y aurait pas loin de 1500 personnes sur les listes d'attente qui attendent de se faire cryogéniser. Pardon. Mais pour bien comprendre pourquoi ça marche, il faut se rappeler que la cryogénisation est apparue au début des années 60. Et puis, elle a surtout connu son boom à partir des années 90. Et ce, grâce à deux avancées majeures. La première, c'est une avancée scientifique avec l'adoption de la technique de vitrification qui consiste, en plus de congeler les corps à basse température, à leur administrer des produits chimiques qui vont limiter les dommages liés à la solidification des fluides corporels. Et puis, en gros, ça consiste à injecter une espèce d'antigel, comme pour les voitures, dans le corps humain pour réduire la formation, en fait, des cristaux de glace, ce qui, on peut le comprendre, va abîmer les tissus et les cellules. Ouais. Et puis, la deuxième avancée, c'est la création, tout simplement, de certaines polices d'assurance vie spécialement dédiées à ce genre de pratiques, et puis surtout aux États-Unis. Et ça a vraiment aidé à démocratiser la chose. Ah bon? Oui. Mais on peut se poser la question quand même si la cryogénisation a des chances de succès, puis quel est vraiment le défi là-dedans? Parce qu'il faut réveiller la personne de l'autre côté, là, quand même. Qu'est-ce qui va en sortir? Le défi est de taille, mais il n'est pas impossible. Et pour cause, le phénomène de congélation existe déjà dans la nature. Comme chez certains animaux, par exemple, certaines grenouilles, en l'occurrence, vont se congeler en atteignant des températures allant jusqu'à moins de 8 degrés Celsius, à en devenir cassantes. Et puis, elles vont se retrouver naturellement leur vie après les périodes de gel. Il s'agit quelque part d'une forme d'hibernation extrême. Faut savoir aussi que les chercheurs qui travaillent sur des bactéries ou des levures congèlent régulièrement leurs souches à des températures très basses, à moins 80 par exemple. Et puis, ce sont là des organismes très résistants au cycle de gel-dégel. Et il faut se rappeler aussi que c'est le même principe qui est appliqué quand on conserve des spermatozoïdes ou des ovules. C'est vrai. Puis donc, ils restent viables. Ils sont congelés, puis ils restent viables. On arrive à les garder. Toutefois, il faut rappeler que ça reste quand même des organismes plus ou moins primitifs ou plus ou moins primaires, quelque part. Ils ne sont pas très semblables à une bactérie, quand c'est même. C'est ça. Ou un spermatozoïde. Ouais. On en découle, mais c'est pas comparable, on va dire. On est plus complexe. Et puis, toujours dans le même registre, les chercheurs ont réussi aussi à quelques reprises à congeler des organes d'animaux avant de les greffer. Ça a été fait par une équipe américaine en 2004. Ils ont greffé un rein de lapin qui a été congelé à moins 130. Et puis, ils ont pu le greffer naturellement au lapin en question. Et puis, en 2012, il y a une équipe tchèque qui a congelé cette fois-ci partiellement des larves de mouches avant de les ramener à la vie. Donc là, on a déjà des éléments plus complexes. Là, quand c'est une larve de mouche, c'est déjà un peu plus complexe que juste une bactérie. C'est ça. Et puis, un organe... Ça reste quand même... C'est considéré comme des exploits. Et puis, malgré tous ces exploits scientifiques, on est loin de pouvoir dire et d'affirmer que l'objectif est atteignable. Le corps humain, comme on a dit, est une machine très complexe. Et lui insuffler un esprit ou une âme, une vie tout simplement, personnellement, pour moi, ça m'est difficilement imaginable. On est peut-être contraint d'admettre que cela relève probablement d'une prouesse bien plus supérieure à ce que l'homme peut faire. Et quelle est la responsabilité des entreprises? Est-ce qu'elles sont juridiquement responsables? Parce que bon, ça semble quand même un but difficilement à atteindre. On peut peut-être congeler quelqu'un, mais quel sera le résultat au bout? C'est douteux. Donc, est-ce qu'elles ne se lancent pas dans une sorte de bourbier, là? c'est une bonne question, mais... Il faut savoir que les compagnies en question ne sont pas du tout responsables. Un casino n'est jamais responsable de la banqueroute de ses clients. Les compagnies en question qui œuvrent dans le secteur demandent au préalable à leurs patients de signer un document comme quoi ils font don de leur corps à la science. Ainsi, ils se protègent et puis surtout par rapport à toutes les lois qui interdisent de disposer des corps inanimés et puis tout le registre aussi de l'euthanasie, pardon. Ça reste quelque part comme une forme d'euthanasie et camouflée. Mais il est clairement déclaré, par exemple, sur le site de Cryonix Institute, une phrase joliment tournée d'ailleurs, que les patients doivent accepter qu'il n'y a aucune autre garantie que celle d'avoir une chance de succès. Il faut un peu la retourner dans la tête pour la comprendre, celle-là. On peut la répéter? En gros, si je résume un peu la phrase, c'est que si ça marche, on est chanceux. Et puis, si ça marche pas, le principal, c'est quelque part de participer à cette cette aventure futuriste ou à ce voyage dans le temps finalement. Et que deviendront les gens à long terme d'abord? Je sais pas, c'est ce que c'est marqué, est-ce qu'ils disent quand ils se font cryogéniser, je me fais réveiller dans 1500 ans, en 3000 ans, je sais pas. Ben, curieusement, je me suis posé la question aussi, car supposons que tout cela fonctionne, ces gens-là, une fois réanimés, est-ce qu'ils auront mis de côté de l'argent nécessaire et suffisant pour les frais de réanimation? Parce que c'est pas toujours inclus ou compris dans les montants que j'ai annoncés tout à l'heure. Puis est-ce que l'entreprise qui les a cryogénisés sera encore là pour effectuer le réveil? C'est une question de plus à laquelle j'ai pas pensé. Mais sinon, on peut se demander aussi, est-ce que ces gens-là, s'ils ont de l'argent, est-ce qu'il va être valable dans le futur, mm-hmm. par rapport à la devise du futur? Et puis si oui, est-ce que ces gens-là vont retrouver leur maison? Est-ce qu'ils seront toujours propriétaires de leurs biens? Est-ce qu'ils doivent se chercher un logement finalement, un nouveau travail du futur, apprendre une nouvelle langue du futur, je sais pas. Est-ce qu'ils pourront retrouver leur famille, remonter leur arbre généalogique, retrouver leur descendance finalement? Qui sait? Enfin, ça reste des questions sans réponse malheureusement, mais seul l'avenir nous le dira. Ouais, en tout cas, c'est un gros inconnu. Hein. C'est pas du tout dans quelle culture les gens seraient plongés. Personnellement, je le ferai pas. tout simplement parce que j'ai pas l'argent pour. Mais ah oui, c'est la seule raison. En tout cas, le réveil risque d'être très brutal. Merci beaucoup, Moustapha. Merci à vous. Alors, on passe en musique sur CKRL au 89.1 et au retour, François nous donne quelques actualités médicales.